Au début des années 1960, alors que j'étais étudiant en philosophie à l'Université de Montréal, j'ai fait la rencontre du frère Jérôme, qui, le premier, m'a donné la permission d'exprimer librement ma folie créatrice. Comme il était lui-même un peintre très polyvalent qui n'avait pas peur du risque, il m'a encouragé à réaliser au Collège Notre-Dame mon premier happening. J'y intégrais plusieurs modes d'expression artistique, la poésie, la musique, l'exploration vocale, la peinture et la sculpture. Quand je lui ai demandé si je pouvais cracher de l'encre sur une tôle galvanisée, faire une sculpture sonore avec des cloches de vieilles trompettes, de vieux trombones, et une autre avec des tuyaux de poêle chromés raboutés, il m'a dit « Amuse-toi, Raoul, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. » Depuis, je n'ai jamais cessé de jouer avec les matériaux et les formes, au même titre que je joue avec les mots et les sons. En m'apprenant l'art de laisser libre cours à la polyvalence de ma créativité, Frère Jérôme fut la première piste d'envol de ma carrière. Depuis cette merveilleuse rencontre, je n'ai jamais cessé de jouer avec les matériaux et les formes, au même titre que je joue avec les mots et les sons. Inspiré par l'arborescence et la floraison dans la nature, j'invente un monde où le rêve, l'imaginaire, englobe la réalité en lui donnant d'autres dimensions. La majorité de mes sculptures sont en fait des montages de formes métalliques, des cercles, des boules et des spirales en acier, en fer, en aluminium, en bronze ou en verre, trouvées dans des cours à déchets. Les pièces choisies sont sales ou rouillées. Le recyclage consiste à les nettoyer ou à les sabler pour leur redonner leur éclat originel, puis à sélectionner les formes en jouant avec les diamètres et avec les contrastes de leurs teintes claires ou obscures. Bref, j'aime jouer avec les matériaux comme avec les mots. En tant que sculpteur, je tente de donner une deuxième vie à des rebuts. Plusieurs de ces montages prennent la forme de tours ou de gratte-ciel autour desquels poussent des jardins de fleurs magiques, en bois ou en métal, disposés de matière symétrique. Mon intention consiste à trouver le juste milieu entre les polarités, en jetant des ponts entre les rives du visible et de l'invisible. »